Revenons au verbe dire. Le verbe qui va de pair avec faire. À faire. Comment direz-vous à quelqu'un que vous voyez? Dites-moi. Dígame. Dígame, d'accord. Ça c'est si vous vous voyez votre interlocuteur. Si vous le tutoyez, donc pour dire dis-moi, comme c'est un verbe gogo, on part simplement de la forme un go et on supprime go. Alors, dis-moi, c'est dime. Encore une fois, oui. Dime. Dime. Hein? C'est bien ça. Dime. Et mets-le ici. Ponlo aquí. C'est ça. Ponlo aquí. Et comment direz-vous viens? Là encore, c'est un verbe gogo. Donc, il suffit de prendre la forme en go et d'enlever le go. Donc, viens, ça sera ben. Ben, oui, tout à fait. Et sors. Sal. Sal, hein, c'est ça. Hein, sal, S-A-L. Et confiance. Ten confianza. Ten confianza, hein, c'est ça. Ten confianza.